Chapitre 29. Système Hetzal, la lune racine. Keventar contempla le plateau qui s'étendait devant lui. La vue était époustouflante. 57 817 navidroïdes reliés les uns aux autres en un gigantesque réseau. Il y avait de tous les modèles, de toutes les tailles, depuis les toutes dernières unités compactes et auto-alimentées équipées de jambes ou d'autres accessoires de mobilité leur permettant de se déplacer d'un appareil à l'autre, jusqu'aux processeurs que l'on avait extraits de leur vaisseau d'origine. La puissance de calcul variait grandement d'un droïde à l'autre, mais au final, le dispositif était impressionnant. Si le seul fait de rassembler les droïdes avait été un défi compliqué, facilité, il fallait le reconnaître, par les efforts héroïques du secrétaire Lorilia, qui avait réquisitionné des navidroïdes d'un bout à l'autre de la galaxie, les relier en un seul et même réseau était presque aussi difficile. L'idée était d'installer un nombre de processeurs pour qu'ils fonctionnent en parallèle, de façon à ce que diverses sections puissent se charger de différentes parties du problème en même temps. Keven avait conçu le système de A à Z, mais connecter le tout par lui-même lui aurait pris des mois, un temps dont il ne disposait pas. Après avoir conceptualisé la chose et trouvé les composants de droïdes, il avait aussi fallu qu'il monte une équipe de techniciens formés à l'architecture positronique et à la structuration de réseaux. Une grosse équipe. Hetzal disposait de quelques personnes ayant les compétences nécessaires, mais c'était très loin de suffire. Les Santeca avaient envoyé une douzaine de leurs navulateurs, des gens portant d'étranges implants entourant leurs crânes rasés, ce qui leur permettait d'effectuer des calculs avec la précision d'un droïde, sans pour autant renoncer au bon conceptuel dont seuls les esprits organiques étaient capables. Incroyablement pratique, mais néanmoins encore insuffisant pour construire le réseau dans un délai raisonnable. Là encore, rassembler les ressources nécessaires avait pu se faire grâce aux connaissances apportées par le sénateur Nour, le secrétaire Lorilia et leurs divers alliés respectifs qui avaient fait le nécessaire. Keven avait des ingénieurs systèmes sur place qui venaient d'aussi loin que Bis et Quat. Nous sommes tous la République n'avait jamais semblé aussi vrai. Keven ignorait ce que cela avait coûté en termes d'influence et de capitaux réels de faire construire cette chose, mais cela ne l'intéressait pas vraiment non plus. Il voulait juste la mettre en marche. Le système était constitué de 3 nœuds principaux, chacun étant doté de ses propres sous-nœuds. Aux 3 éléments primordiaux était affectée une portion spécifique du calcul général. Le premier était conçu pour créer une simulation informatique de la catastrophe originelle en se servant de toutes les données disponibles. Le deuxième modélisait toutes les émergences connues jusqu'à présent. Et le troisième, de loin le plus gros et le plus complexe, exécutait un algorithme particulier élaboré pour déduire où auraient lieu les prochaines émergences. Ce troisième nœud était celui qui posait le plus de problèmes. Les deux autres ne faisaient que décrire des choses qui s'étaient déjà déroulées. Le troisième devait prédire l'avenir. Et si je réussis à faire ça, songea Keven, je suis quasiment un Jedi. Bien entendu, ce n'était pas le cas. De vrais Jedi se tenaient non loin de là. Le duo qu'il avait déjà vu plusieurs fois et qu'il avait aidé avec les Santeca. Avar Kriss et Elzar Mann. Ils donnaient l'impression d'être des gens bien, mais honnêtement, ils n'avaient rien en commun avec eux. Avar respirait le savoir-faire et la force tranquille. Elzar, quant à lui, donnait l'impression de sortir tout droit d'un holo feuilleton avec sa peau couleur olive et ses cheveux noirs ondulés. Un bel homme, au final. Keventar était probablement plus proche des droïdes ou des navulateurs, sauf qu'il n'avait pas besoin de porter ses étranges implants, et heureusement. Il aimait les systèmes et les règles, ainsi que les systèmes et les règles dissimulés derrière ces règles et ces systèmes. Tout pouvait se résumer à cela, en fin de compte. Des systèmes et des règles. Cette affirmation était vraie pour les personnes, pour les droïdes, comme pour la galaxie entière et tout ce qu'elle contenait. Plus vous appreniez à aller en profondeur au cœur des systèmes et dans la compréhension des règles, plus vous aviez le pouvoir de changer les choses. C'était ce qui l'avait aidé à évoluer aussi vite sur Hetzal, jusqu'à se voir confier un poste majeur au ministère de la Technologie avant même d'avoir 25 ans. Lorsqu'il était encore enfant, il s'était rendu compte que quatre champs ou cultures différentes interagissaient dans une sorte de relation complexe et que le nuisible que l'on exterminait de manière systématique n'était pas un nuisible du tout, mais au contraire, un partenaire symbiotique de ces cultures. Il avait compris que si on laissait les plantes occuper ensemble les mêmes champs, au lieu de les cultiver séparément, et qu'on n'intervenait pas contre le soi-disant nuisible, non seulement le rendement global était meilleur, mais les semences et les graines produites par les champs gagnaient en qualité. En plus de cela, une sorte de fruit hybride apparaissait deux fois par an, ce qui n'aurait pas pu être possible sans la contribution des quatre plantes. Ce petit projet lui avait ouvert la voie à tout ce dont il rêvait. L'accès à des systèmes plus vastes et plus complexes qu'il allait pouvoir passer son temps à essayer de déchiffrer. Les autorités hetzaliennes lui avaient confié des missions de plus en plus importantes, comme le développement d'algorithmes pour la rotation des cultures ou la modélisation des phénomènes météorologiques, toutes sortes de sujets qu'il trouvait profondément intéressants et gratifiants. La seule chose qui le frustrait était le sentiment de lenteur. Il ne pouvait pas se plonger dans tout ce qu'il voulait, malgré le rôle d'importance qu'il jouait au sein du ministère de la Technologie. Il restait tant de choses auxquelles il ne pouvait accéder sans demander la permission. C'était son choix en même temps. Kevin savait qu'il aurait pu être un sacré craqueur, s'infiltrer dans tous les types de noyaux d'ordinateurs existants. Mais ce n'était pas quelque chose qu'il approuvait. Il avait foi dans la loi, foi en la République. Il avait décidé, voilà longtemps, que la seule façon pour lui de travailler avec les systèmes qui importaient vraiment serait de gagner ce privilège grâce à son talent et à sa détermination. Eh bien, ce moment était arrivé, manifestement. Difficile de faire plus fort que ce qu'il s'apprêtait à accomplir. Lui, Kevin Tarr, était sur le point de craquer l'hyperespace. Une brise douce et fraîche lui caressa le visage et traversa le plateau qui surplombait le réseau. C'était bon signe. Kevin jeta un coup d'œil aux autres observateurs qui se tenaient non loin, échangeant discrètement entre eux. Si on lui avait demandé son avis, il aurait effectué le premier test de sa machine en privé, au cas où quelque chose tournerait mal. Mais les enjeux étaient trop importants. Le temps trop court et trop de choses avaient été investies dans la création de ce réseau. De nombreuses personnes, des personnes puissantes, avaient choisi de soutenir l'idée de Kevin et tous voulaient être présents pour voir si elle avait la moindre valeur. Le sénateur Noor et sa conseillère Johnny Wataro, le secrétaire Lorilia, le ministre Eka, les deux Jedi, bien sûr, occupés à discuter avec Marlowe et Vélis Santeca, qui, en toute franchise, s'étaient montrés incroyablement utiles. En plus de mettre leurs 12 navulateurs à disposition, ils avaient fourni des outils de modélisation hyperspatiale dépassant tout ce que Kevin aurait pu espérer obtenir de son côté. Il avait dû signer toutes sortes d'accords avec le service juridique de leur entreprise, spécifiant qu'il s'engageait à ne jamais utiliser la technologie pour quoi que ce soit d'autre, mais cela ne lui posait aucun souci. À vrai dire, il envisageait peut-être de voir si les Santeca seraient désireux de travailler avec lui une fois tout cela terminé. Hetzal était sa planète natale, mais il se sentait prêt à passer à autre chose. Son monde était un système, lui aussi, et il avait le sentiment d'en avoir fait le tour, d'avoir craqué tout ce qu'il y avait à craquer. En avant, en quête de systèmes plus vastes et plus complexes. Bien sûr, s'il ne réussissait pas à faire fonctionner le réseau, aucune de ces opportunités excitantes ne pourrait se concrétiser. Quand vous disiez que vous alliez essayer de faire quelque chose, les gens entendaient généralement que vous alliez faire quelque chose. Et si vous ne parveniez pas à votre but, alors ils pensaient que vous aviez échoué. Parfois même, on en arrivait à vous reprocher d'avoir essayé. C'était assez injuste. Surtout quand on savait que prédire l'avenir à l'aide d'un gigantesque réseau informatique constitué de cerveaux droïdes branchés les uns aux autres était simplement impossible. Mais c'était ainsi que le système qu'on appelait société fonctionnait. Et Kevin Tarr ne serait jamais assez puissant pour changer ce genre de règles. Sa situation était binaire. Réussir ou échouer. Il avait fait tout ce qu'il pouvait pour que ce soit le premier résultat. Mais c'était tout. Il leva un comlink à ses lèvres. « Alors les gars, vous avez fini de relier les derniers groupes de droïdes ?» Un grésillement. Cette multitude de droïdes au même endroit causait des interférences. Vous pouviez le sentir dans l'air, même le goûter, comme si le bout de votre langue touchait un métal inconnu. « Il en reste encore un !» répondit le chef Inamin de la coalition défensive de la République. On le connaissait comme le contremaître Inamin jusqu'à encore récemment, avant qu'il ne soit promu suite à ses efforts héroïques lors de la catastrophe du Legacy Run. Lui et son coéquipier Peoples, alors enseigne et désormais lieutenant, avaient décidé de rester sur place pour apporter toute l'aide dont ils étaient capables. Une manière pour eux d'honorer le sacrifice de leur capitaine, Bright, mort au cours d'une tentative de sauvetage à bord d'une station solaire. Kevin appréciait que les deux officiers mettent leur talent à contribution. Il trouvait que c'était un geste noble et généreux. D'autant plus qu'Inamin disposait d'une formation technique particulièrement utile ici, sur la lune Racine, lui permettant également de superviser Peoples, même si le lieutenant était techniquement son supérieur. Peoples ne semblait pas s'en formaliser et avait même proposé d'échanger leur grade avec Inamin. Le chef avait décliné, non sans avoir poussé un soupir agacé. Quoi qu'il en soit, le duo était en train de terminer le branchement du sous-nœud chargé de modéliser la cinquième émergence. En pensée, et en pensée seulement, Kevin regrettait qu'il n'y ait pas eu quelques émergences en plus. Chacune d'entre elles était un point de données, et jusqu'à présent, il y en avait eu 29. Ce n'était pas mal, un bon début, mais plus sa machine avait d'informations sur lesquelles se baser, mieux c'était. Il n'aurait pas de seconde chance sur ce coup, et pour plusieurs raisons. Surtout pour une, en fait. Quelque chose qu'il avait volontairement omis de préciser aux gentilles personnes qui l'avaient aidé à rassembler toutes ces machines, aussi rares que précieuses, pour monter son réseau. Kevin lança un regard furtif à Jeffo Lorillia, le secrétaire des Transports de la République qui se trouvait non loin sur le plateau, en pleine conversation avec le sénateur Izzet Nour, son visage allongé, inhabituellement animé. Lorillia avait réussi à obtenir d'incroyables faveurs pour rassembler tant de navidroïdes en aussi peu de temps. La bordure extérieure était toujours en quarantaine hyperspatiale, à la plus grande frustration du sénateur Nour, mais la réquisition du secrétaire Lorillia avait retiré tant de navidroïdes de la circulation que ce n'était pas que la bordure extérieure qui expérimentait des pénuries. Le transport spatial commençait à être impacté d'un bout à l'autre de la République. Bien sûr, si l'algorithme de Kevin fonctionnait comme prévu, il saurait où auraient lieu les prochaines émergences et l'on pourrait lever le blocus. Mais c'était un « si » à écrire en capital. Il n'avait que 57 000 droïdes quand il lui en aurait fallu plus du double. Les calculs qu'il devait effectuer allaient par conséquent prendre deux fois plus de temps et même pousser son système jusqu'à ses limites. Sous une telle contrainte pendant aussi longtemps, le dispositif allait générer... Bref, il ne savait pas trop combien de ses cerveaux électroniques ultra précieux allaient survivre au processus. C'était la donnée essentielle qu'il avait choisi de ne pas partager avec le secrétaire Lorillia. Le réseau, une fois alimenté, allait se montrer très vorace, et ce qu'il consommait, c'était des navidroïdes. Mais c'était la seule solution qu'il avait. Il fallait qu'il essaie, même s'il était conscient de ce qui lui arriverait en cas d'échec. C'était ce que faisaient les gens bien. « Peoples, vire ton orteil de là. Qu'est-ce qui te passe par la tête ? Oh, mais c'est plutôt une super idée, en fait !» s'écria le chef Inamin dans le comlink, d'une voix quelque peu distante, comme s'il s'était tourné pour s'adresser à quelqu'un de son côté de la transmission. Puis il revint, sa voix de nouveau claire et forte. « C'est bon pour nous, monsieur Tarr. Branchement terminé. »« Merci, chef. » Et vous pouvez m'appeler Kevin. Sortez de la zone et faites s'éloigner toutes les équipes que vous croiserez là-bas. Quittez le plateau et venez nous rejoindre ici, sur la plateforme d'observation. Hein ? Pourquoi ? Faites juste évacuer tout le monde, d'accord ? Kevin leva le datapad qui lui servait d'unité de contrôle central de l'ensemble du réseau. Il adressa une courte prière à la matrone des vignes, la sainte patronne de la région de Hetzal Prime où il avait grandi, puis enfonça la touche unique qui permettait d'allumer ce satané dispositif. Un peu plus loin, le long du plateau, le sénateur Izzet Nour éventait son visage, tandis que le colossal réseau de navidroïdes connectés prenait vie dans un vrombissement. On aurait dit un nid d'insectes. Pas vraiment un son, en fait, plus une sensation, juste en dessous du niveau de perception réelle. Lui aussi priait, mais pas la matrone des vignes. C'était plutôt un vague « Allez, allez, allez » marmonné dans sa barbe. D'un bout à l'autre de la bordure extérieure, des mondes étaient au bord de la révolte. Même si la chancelière avait autorisé le passage de convois humanitaires vers les planètes souffrant de l'absence de trafic hyperspatial, les gens étaient loin d'avoir retrouvé leur mode de vie normal. Et ce n'était pas avec la livraison occasionnelle de rations d'urgence qu'on calmait ce genre d'agitation. Si le plan fou de Keventar et de ses droïdes ne fonctionnait pas, il allait devoir se rendre auprès de la chancelière Sceau pour la supplier de rouvrir les hypervoies en dépit du danger. Au bout d'un moment, il fallait qu'elle reconnaisse que les préjudices causés au peuple de la bordure l'emportaient sur le risque d'une nouvelle crise à la Legacy Run. « Est-ce que vous arrivez à y croire ?» demanda Noor à Johnny Wataro, sa plus proche conseillère depuis 10 ans. C'était une chagrienne à la peau bleue et aux épais tentacules terminés par une corne, lui drapant les épaules et retombant sur sa poitrine. Wataro était essentiel à son travail pour une multitude de raisons. Tout politicien devrait bénéficier d'un assistant chagrien, estimait Noor. Qu'est-ce que vous voulez dire, sénateur ? Noor indiqua d'un geste vague le gigantesque réseau de droïdes qui s'étalait sur le plateau devant eux. Tout ça, Wataro. Servez-vous de vos yeux. On en est arrivé à de telles dépenses, et pourtant on ne sait même pas si ça va fonctionner. Je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas simplement rouvrir les hypervoies. Et vous savez quoi ? Poursuivit-il en se tournant vers elle. Quelqu'un d'autre, là-dehors, possède déjà la capacité de prédire les émergences, si on en croit ce qui est arrivé sur Eriadou. Wataro hocha la tête. Alors pourquoi fait-on ce truc stupide avec tous ces droïdes quand l'amiral Kronara et la CDR pourraient se contenter de traquer ceux qui ont escroqué Eriadou ? Continua Noor. Ce « qui savent », je crois que c'est le nom que la gouverneure Vin a employé. On le retrouve et on lui demande où seront les prochaines émergences. Fin de l'histoire, facile. Noor fronça les sourcils en contemplant le réseau. Le vrombissement initial s'était transformé en un grésillement désagréable, pas un son mais une sensation jusque dans ses os. Je respecte le choix de la chancelière, mais j'aurais préféré qu'elle envisage une autre approche. Peut-être devriez-vous vous présenter, sénateur, suggéra Johnny. Elle n'arrêtait pas de dire ça, et il savait que c'était une sorte de méthode passive-agressive, comme pour souligner l'hypocrisie dont il faisait preuve en critiquant la chancelière alors qu'il ne s'était jamais porté candidat pour le poste. « Peut-être, Wataro. Peut-être que je vais le faire. Nous verrons bien. » Un grand écran, installé sur le pont d'observation au-dessus du réseau, diffusait une version approximative de la catastrophe du Legacy Run à une vitesse 10 fois supérieure à celle à laquelle elle s'était produite. Keventar, les Jedi, le sénateur ainsi que les autres officiels locaux et républicains regardaient avec solennité les événements se dérouler. Beaucoup d'entre eux s'étaient trouvés sur place lorsque c'était arrivé. Des gens étaient morts. Les victimes auraient pu être beaucoup plus nombreuses, mais tout de même, c'était une tragédie. Et tout le monde regarda en silence. Kevin baissa les yeux vers son datapad et sur la série d'informations primordiales qu'il lui fournissait. L'état du réseau de Navidroïdes. Les 57 708 processeurs réalisaient des calculs extrêmement complexes, à la limite de leur capacité. Le jeune homme pouvait, en pressant quelques touches, agrandir n'importe lequel des 3 nœuds principaux pour voir de plus près les sous-nœuds, les groupes encore plus petits, et même les droïdes individuels. Le réseau était conçu pour fonctionner comme un gigantesque cerveau doté de neurones, de cellules nerveuses et tout le toutim. Les mesures lui indiquaient la vitesse à laquelle chaque nœud, chaque unité et chaque droïde individuel fonctionnait. Plutôt utile. Mais ce n'étaient pas les points de données qui sollicitaient le plus l'attention de Kevin. Non. C'était un autre nombre qui suscitait son inquiétude. Un nombre affiché à l'extrémité de chaque longue ligne de données. La température. Tous ces processeurs qui fonctionnaient ensemble à plein régime étaient en gros comparables à un énorme four. Kevin s'y était préparé aussi bien que possible. C'était la raison pour laquelle le réseau se trouvait à l'extérieur, dans la brise et les températures relativement douces de la lune racine. Il aurait pu le construire dans l'espace, mais la chaleur ne se dissipait pas à travers le vide. Cela aurait été encore pire qu'ici. Une bonne partie des droïdes était équipée d'un dispositif de refroidissement interne. C'était la source de la vibration qui s'élevait du plateau et qui s'intensifiait peu à peu de manière insistante. Kevin n'avait pas besoin de vérifier son datapad pour savoir que les températures grimpaient, et rapidement. Heureusement, les observateurs semblaient tous avoir le regard fixé sur les événements qui se déroulaient sur le grand écran. Chaque sauvetage héroïque des survivants du Legacy Run, chaque mort tragique, chaque miracle de dernière seconde. Kevin, malgré les premiers problèmes qui commençaient à émerger à travers le réseau, prit un moment pour réaliser l'énormité de ce que les Jedi et les équipes de la République avaient accompli dans le secteur. Le système Hetzal aurait dû être rayé de la carte. C'était époustouflant que Kevin lui-même soit encore là, à la surface de la lune racine. Il secoua la tête en observant la simulation du dernier fragment fonçant droit vers le soleil de Hetzal, le réservoir de Tibana liquide qui avait failli détruire le système entier. Il se souvenait clairement de ce moment. Il avait été persuadé d'être sur le point de mourir, le savait au plus profond de son être. Et ce n'était pas arrivé. Les Jedi avaient uni leurs forces pour déplacer un énorme morceau de métal peu enclin à sortir de sa trajectoire, selon un angle parfait et de façon parfaitement coordonnée, malgré les millions de kilomètres qui les séparaient. C'était impossible. Et pourtant, il l'avait fait. Kevin regarda la scène se reproduire. Le fragment virevoltait au loin, échappant de justesse à l'un des soleils du système. Cela paraissait si simple, si facile à l'écran. Il savait que les Jedi avaient dû tout donner. Certains d'entre eux étaient même morts dans la manœuvre. Ils avaient réussi. Ils ne pouvaient pas échouer maintenant. La simulation de la catastrophe du Legacy Run s'acheva et un deuxième nœud se mit en route, celui-là chargé de modéliser la première émergence. L'image à l'écran montra les 7 fragments apparaître dans le système Abdalis et l'impact du dernier sur la planète. Les observateurs se firent silencieux. Une autre tragédie qui n'avait pas pu, celle-là, être évitée par une intervention miraculeuse des Jedi. Kevin, cependant, avait cessé de regarder l'écran. Il ne pouvait détacher les yeux de son datapad. Les températures progressaient plus vite qu'il ne l'avait prévu. Pour que son algorithme fonctionne, les systèmes se devaient de modéliser en continu tout ce qui s'était passé, chaque détail, chaque fragment, chaque trajectoire, le tout en même temps. À chaque fois qu'une nouvelle émergence était ajoutée à la simulation, la charge ne faisait qu'augmenter. On aurait dit que la chaleur s'élevait déjà du plateau. C'était certainement son imagination. Kevin s'essuya le front avec la manche de sa chemise, humide. Non, ce n'était pas son imagination. Le réseau était en train de surchauffer et ils avaient encore près de 30 émergences à modéliser. Le sénateur Noor changea de jambe d'appui, visiblement mal à l'aise. Il se tourna vers sa conseillère, indiqua l'air au-dessus du réseau de droïdes qui miroitait comme un brouillard de chaleur s'élevant dans le ciel matinal. « Wataro, est-ce ainsi que c'est censé se passer ?»« Je ne suis pas sûr, » répondit-elle en sortant un mouchoir de sa tunique pour éponger quelques gouttelettes vertes de sueur qui étaient apparues sur son front. Kevin s'inquiétait pour le nœud numéro 5. Le secrétaire Lorillia avait fait de son mieux, mais manifestement, tout le monde n'était pas prêt à céder ses navidroïdes dernier cri, et ce, en dépit de la noblesse de la cause. Un bon nombre des droïdes du réseau étaient de vieux modèles, quand ils n'avaient pas déjà été retirés du service actif. Ils pouvaient toujours remplir leur mission, mais pas aussi bien et pas aussi rapidement que les autres. Il avait réparti les plus vieux droïdes dans l'ensemble du réseau, dans le but d'équilibrer la charge. Mais certaines sections se retrouvaient inévitablement avec un nombre supplémentaire de machines moins performantes. C'était le cas du nœud numéro 5. La température montait rapidement Et ce n'était qu'une question de temps avant que... Une gerbe d'étincelles jaillit du réseau. Et Kevin n'eut pas besoin de regarder pour savoir qu'elle venait du nœud numéro 5. L'un des plus anciens navidroïdes avait fait un court-circuit et la chaleur avait tout simplement fait fondre sa matrice de calcul. « Blast !» siffla-t-il. « Que se passe-t-il, Tar ?» entendit-il le sénateur Nour crier vers lui. Kevin ne répondit pas. Il n'avait pas le temps. Si le nœud numéro 5 lâchait maintenant, alors la simulation devrait recommencer au début et il savait qu'il ne le laisserait sans doute pas faire. Ce serait fort probablement son unique tentative. Heureusement, il avait anticipé ce problème. Du moins jusqu'à un certain degré. Une phalange de droïdes pilules s'approcha en flottant depuis l'un des côtés de l'installation. Tous étaient équipés d'unités de refroidissement capables de pulvériser des jets d'air glacé partout où cela pouvait être nécessaire. Kevin les avait gardés en réserve jusqu'à maintenant, mais il était clair que le moment était venu de les utiliser. Il pianota sur son datapad et plusieurs droïdes pilules filèrent vers le nœud numéro 5, vaporisant de l'air froid à l'aide de leur conduit pulvérisateur et entraînant une chute immédiate de la température. Parfait. C'était parfait. Tant que les droïdes pilules auraient du réfrigérant et tant que l'ensemble ne perdait pas trop de navidroïdes. 57 712 désormais. Sachant qu'il n'aurait même pas dû tenter ceci avec moins de 75 000. Le nœud numéro 7 commençait à surchauffer, et Kevin avait retenu la leçon. Il envoya un autre groupe de droïdes pilules dans cette direction pour le refroidir avant que ça ne tourne mal. « Ça va marcher », songea-t-il. « Je peux y arriver. » Le nœud numéro 14 entra en action pour modéliser la 19e émergence, et la surcharge fut instantanée. Brutal. 50 droïdes projetèrent d'un coup les mêmes gerbes d'étincelles que le nœud numéro 5 avait produites. Peut-être était-ce dû à une erreur dans les branchages, ou peut-être qu'il s'agissait d'un passage particulièrement complexe de la simulation. « Non !» cria Kevin. Il fut vaguement conscient des voix qui, à proximité, posaient des questions, lui donnaient des conseils, s'inquiétaient. Mais il n'avait pas de temps à leur consacrer, pas un seul instant. Le réseau était sur le point d'expérimenter une défaillance en cascade. 20 droïdes pilules fusèrent vers le nœud numéro 14, la moitié de ce qui lui restait, et il n'avait fait que les deux tiers à peine de la simulation. « Ils vont m'en vouloir, » songea-t-il. « Ils vont dire que c'est de ma faute. Je ne faisais qu'essayer d'aider, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait tout. » Une main lui toucha le bras. Kevin sursauta et fit volte-face. C'était la Jedi Avar Kriss. Quelques pas derrière elle se tenait l'autre, Elzar Mann. Ils ne semblaient jamais loin l'un de l'autre. « Calmez-vous, » dit-elle. Et c'est ce qu'il fit. Il se sentait mieux rien qu'à la sentir à ses côtés. « Que se passe-t-il ? » ajouta Avar. « Le réseau produit beaucoup trop de chaleur, mais je ne peux pas arrêter la simulation maintenant. » Soit on va jusqu'au bout, soit tout ça n'aura servi à rien. Nous n'avons encore rien appris de neuf pour le moment. Si on s'arrête maintenant, ce sera un énorme gâchis. Une autre fontaine d'étincelles. Nœud numéro 11. 382 droïdes grillés d'un seul coup. Plus que 57 285. Kevin envoya le reste de ses droïdes pilules refroidir cette section, ce qui semblait suffire pendant quelque temps. Mais un coup d'œil à son datapad lui indiqua qu'au moins 4 autres nœuds étaient en difficulté. Les nœuds numéro 3 et 8 implosèrent. 53 412. S'il descendait en dessous de 50 000, c'était cuit. Il aurait beau réaménager ou équilibrer les charges, il ne pourrait pas stimuler la puissance de calcul là où elle n'existait plus. La brise tomba et le petit supplément de fraîcheur qu'elle prodiguait disparut. Il n'y avait plus rien qu'il puisse faire. C'était fichu. Avar Kriss continuait de se servir de la force pour aider le jeune homme à contenir sa panique. Ce n'était pas simple. Tout en Kevin Tar tendait à partir en vrille. Il éprouvait de la culpabilité, de la honte, de la frustration. probablement rien qui ne soit justifié ou mérité, mais les émotions répondaient rarement à la logique. Elle regarda Elzar. Une idée ? Il a besoin de tout refroidir ? C'est ce qu'il a dit ? D'accord, dit-il d'un ton pensif. J'ai peut-être une idée. Je n'ai jamais essayé, mais c'est faisable en théorie. Tu devrais être capable de percevoir ce que je vais faire. Toute aide que tu pourras m'apporter sera la bienvenue. Je ne vois pas comment je pourrais y arriver seul. Elzar s'assit sur le sol en tailleur, puis leva les mains et ferma les yeux. Avar projeta ses sens et s'efforça de suivre ce qu'il faisait. Il puisait dans la force. Mais dans quel but ? Elle se dit qu'il devait s'agir d'une autre de ses expérimentations. Des idées lui traversaient constamment l'esprit, de nouvelles façons d'utiliser la force pour accomplir des choses inédites, de nouveaux moyens d'obtenir une aide du côté lumineux. Il échouait, tout le temps. Mais elle trouvait inspirante sa détermination à apporter de nouvelles idées aux Jedi. Pour Elzar Mann, ce qu'étaient les Jedi l'intéressait beaucoup moins que ce qu'ils pourraient être. Avar écouta le chant de la force, et soudain elle comprit ce que son ami essayait de faire. Impossible, lui dit-elle par la pensée, un concept assez basique pour être transmis à travers le lien émotionnel très souple que la force pouvait leur fournir. Il sourit sans ouvrir les yeux. « Aide-moi, » lui répondit-il en pensée. Elzar Mann parlait à l'air. Il faisait chaud ici, juste au-dessus des droïdes qui travaillaient fiévreusement. Mais la température était beaucoup plus fraîche dans les hauteurs. L'air chaud s'élevait, comme il en avait l'habitude, mais lentement. Pas assez vite. Il demanda à la force de l'aider, et elle répondit à son appel. Quoique mollement, l'air était plus lourd que ce à quoi on pouvait s'attendre. Soudain, un allègement, et il sut qu'Avar avait joint ses efforts aux siens. C'était bien. Tout était toujours plus simple quand elle était à ses côtés. Littéralement, en fait. Il ouvrit les yeux brièvement et vit qu'elle s'était agenouillée près de lui, ses avant-bras posés de façon détendue sur ses cuisses, paume vers le ciel. Elle avait les yeux fermés et la tête inclinée en arrière. La couche d'air chaud se mit à s'élever de plus en plus haut, les deux Jedi créant des courants pour qu'elle soit emportée vers le ciel au-dessus du plateau. Cela ne fit pas grand-chose pour refroidir le réseau de navidroïdes, mais ce n'était pas tellement cela l'objectif. Alors que la masse d'air chaud s'élevait, elle atteignit des zones plus froides dans l'atmosphère. L'air chauffé charriait de l'humidité qui s'était évaporée de la surface. Ces minuscules molécules d'eau se rassemblèrent et fusionnèrent. Travaillant de concert, Elzar et Avar poussèrent la masse d'air, l'encouragèrent à faire ce qu'elle souhaitait faire de toute façon et aidèrent les particules d'eau isolées à ne faire plus qu'un. Elzar éprouva quelque chose ressemblant à de la jubilation. Pas de la fierté, cela n'aurait pas été conforme à la voix des Jedi, mais de la joie à ce que deux personnes, reliées de manière profonde et collaborant sans qu'il leur soit nécessaire de parler, réussissent quelque chose d'aussi difficile. Ils avaient toujours fonctionné comme cela, depuis les premiers jours de leur formation de Padawan. Leur connexion facilitait beaucoup de choses, mais pour être tout à fait honnête, elle en compliquait aussi d'autres. Les deux Jedi poursuivirent leurs efforts. Elzar sentit la fatigue s'insinuer en lui. Avar et lui ne travaillaient qu'à partir d'une petite zone de l'atmosphère, un volume d'air relativement minuscule. Il s'agissait de le modeler, de le comprimer de façon à ce qu'il atteigne une masse critique et que les phénomènes météorologiques de la Lune se chargent de faire le reste. Créer une graine en définitive. Mais cela restait malgré tout épuisant. Son corps était couvert de sueur, et il savait que ce n'était pas seulement à cause de la chaleur émise par le réseau. Respirer devint un effort, et sa poitrine lui donna l'impression d'être prise dans un étau, comme si l'air qui s'élevait au-dessus de sa tête était aspiré directement dans ses poumons. Mais Elzar Mann ne renonça pas. Avar Kriss non plus. Et lentement, quelque chose commença à se matérialiser dans le ciel au-dessus du plateau. quelque chose d'immense qui s'assombrissait à chaque instant. Un nuage. Il ne restait plus que 51 018 navidroïdes. Et même si Kevin était parvenu à poursuivre la simulation, l'écran vide diffusait à présent la 31e émergence, ce qui signifiait qu'il n'était plus qu'à quelques minutes d'arrêter la modélisation des événements qui s'étaient déjà déroulés pour se projeter dans ceux à venir, et il n'y avait aucune chance pour que le réseau tienne le coup jusque-là. Absolument tous les droïdes restants étaient dans le rouge, même les modèles les plus avancés. Kevin faisait faire de grands arcs de cercle aux droïdes pilules pour tenter de rafraîchir l'ensemble de l'installation en même temps. Cela fonctionnait dans une certaine mesure, lui faisant gagner quelques secondes de répit supplémentaires. Mais son datapad affichait également les réserves de réfrigérants, et la plupart d'entre elles se trouvaient en dessous des 10%. À cet instant précis, tout ce qu'il pouvait espérer, c'était de réussir à prédire une émergence ou deux. Ce n'était pas grand-chose, mais cela pourrait aider à éviter une future tragédie. Il était quasiment impossible désormais qu'il retrouve l'enregistreur de données de vol, qui était à l'évidence le second objectif de toute cette opération. Cela les aurait aidés à comprendre ce qui s'était passé et avec un peu de chance à éviter que cela ne se reproduise. Mais il fallait aussi voir le positif là où il y en avait. Aussi, Kevin continua-t-il à utiliser les machines qui lui restaient, les poussant au maximum de leur capacité, même lorsque plusieurs centaines d'entre elles rendirent l'âme dans un geyser d'étincelles. Quelque chose lui toucha le sommet du crâne et il sursauta. C'était assez léger, un insecte peut-être, ou bien... Un autre impact, cette fois sur le dos de sa main alors que ses doigts dansaient rapidement sur la surface de son datapad. Et il comprit ce qui se passait. « Il pleut ?» entendit-il s'étonner le sénateur Nour. Et soudain, dans un grondement de tonnerre, le ciel se déchira. Un déluge s'abattit sur le réseau. De la vapeur s'éleva en sifflant des navidroïdes surmenés et Kevin dut passer la tranche de sa main sur son datapad pour garder les données visibles. Les températures chutaient rapidement au sein de chaque nœud. Les navidroïdes étaient conditionnés pour fonctionner dans le vide. Un peu d'eau ne risquait pas de leur faire de mal. Des nuages de vapeur s'élevèrent de l'installation, et Kevin se retourna pour regarder les Jedi Avar Kriss et Elzarman agenouillés l'un à côté de l'autre, bras levés, paupières closes, tremblant sous l'effort, tandis que la pluie détrempait leurs tuniques. Il donnait l'impression d'essayer de soulever un vaisseau spatial à main nue. Le soleil brillait toujours au-dessus du plateau, et la lumière se déversait à travers la pluie, créant un halo miroitant tout autour d'eux. Au-dessus des Jedi, l'écran vide se mit enfin à diffuser quelque chose de nouveau. Une région inhabitée de l'espace où la 34e émergence allait se produire. Il n'y en avait eu que 33 jusqu'à présent. Le système fonctionnait. Il prédisait l'emplacement des prochaines émergences, et tant que la pluie continuerait à tomber, il n'y avait pas de raison qu'il s'arrête. Kevin réalisa qu'il n'avait pas échoué, en fin de compte. Lui, Kevin Tarr, le fils d'un fermier de Hetzal Prime, avait craqué l'hyperespace. Quelle étrange galaxie c'était là !